la maman est prostituée, on se moque des enfants. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Même si ta maman a été prostituée, même si ta maman n'a pas vécu un mariage comme tous les autres, ne te sens pas rejeté. Dieu ne te rejette pas. Dieu a conçu un projet de paix pour toi et non un projet de malheur. Ce n'est pas pour autant que tu échoueras. Dieu est capable de te faire réussir. Espère encore en l'Éternel. On dit que la femme de Gala lui enfanta des fils. Les autres fils qui sont devenus grands, ils ont chassé Jephté et ils ont dit « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. » Mais c'est ce Jephté-là qui va devenir juge en Israël. La Bible dit « De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. » Dieu est capable de te faire asseoir avec les grands de ce monde. Je parle à une jeune fille, tu te sens toujours malheureuse, tu dis que ta famille est pauvre. Laisse-moi te dire que ton mariage va étonner beaucoup de gens parce que Dieu te destine à être la femme d'une grande autorité. Oui, espère à l'Éternel et à partir de toi, ta famille sera consolée. Tu feras de grandes choses. Dieu te lèvera et tu oublieras la honte, la pauvreté de ta famille. Deuxième vérité. Les gens qui t'ont rejeté peuvent changer d'avis sur toi et peuvent venir te chercher. Il va arriver cette parole qui dit « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. » La Bible nous dit que Jephté s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans les pays de Tob et il était avec les gens des riens qui se rassemblèrent auprès de Jephté et il faisait avec lui des excursions. Donc Jephté est devenu comme un enfant de la rue. Mais écoutez, il est dit ici, au verset 4, « Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Job, au pays de Tob. » Je vais dire à quelqu'un, lorsque le temps de ton élévation arrive, Dieu va créer une situation où la solution viendra de toi, où Dieu va te positionner comme la solution. Est-ce que tu comprends? Même au niveau de ton pays, au niveau de ta prophétie, de ton entreprise, il y a des situations que Dieu va provoquer où la solution ne viendra que de toi, où Dieu va te positionner, où Dieu va te rendre incontournable. Et les mêmes personnes qui t'ont chassé, les mêmes personnes qui ont dit que toi tu ne peux pas occuper ce poste-là, ils reconnaîtront, ils viendront te chercher pour dire c'est toi qui dois régner sur nous. Tu vois? Le verset 6 dit, ils dirent à Jephté, viens, tu seras notre chef. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont chassé. Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. La troisième vérité, nous devons nous appuyer sur l'Éternel pour qu'il nous élève et que nous puissions accomplir des exploits. Oui, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas en comptant sur ta propre force. C'est vrai que Jephté était un vaillant guerrier. Il avait un énorme potentiel qu'il devrait exploiter. C'était un guerrier. Mais ce n'est pas pour autant qu'il comptait sur lui-même. Il comptait sur l'Éternel. Quand bien même les gens sont venus lui demander de régner. Écoutez ce qui est dit ici. Jephté répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Vous voyez, Jephté était humble. Il n'a pas dit « Moi, je suis fort. Moi, je suis capable. » Il a dit « Si l'Éternel les livre entre mes mains, mon frère, compte sur le Seigneur. Ne compte pas sur tes connaissances, sur tes compétences. Ne compte pas sur tes diplômes. C'est vrai que tu as des diplômes. Tu sais pourquoi tu as tardé à trouver un emploi? Parce que tu étais tellement rempli de toi-même. Tu te disais, moi, je ne peux pas faire un an. Et pourtant, tu as fait plus d'un an pour trouver l'emploi. L'Éternel a voulu briser ton cœur afin que tu apprennes à compter sur lui et non sur toi-même et non sur tes connaissances. Compte sur l'Éternel. Je te dis, et si l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Et c'est pourquoi nous voyons aussi les anciens d'Israël, les anciens de Galaad. Il dit à Jephté au verset 10, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephté partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Vous voyez, c'est l'Éternel qui a agi. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que même les anciens des Galates viennent chercher Jephté pour l'élever comme chef. Oh, ce Dieu est merveilleux. Il élève qui il veut. Il fait des choses grandioses. Il fait des choses merveilleuses. Et nous devons le célébrer. Nous devons le louer. Je voudrais ce matin que quelqu'un puisse chanter avec nous ce cantique pour louer ce grand Dieu, le Dieu qui élève, qui il veut. Chantons ce cantique pour sa gloire. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus et bénis le roi des rois. L'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. De l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ébénézer la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. C'est que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. À tous les temps, je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi, j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps, j'acclamerai. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, il est digne de louange notre roi, il est digne de louange notre Dieu. Oui, c'est lui qui élève. Je voudrais que nous puissions ensemble élever nos mains pour bénir ce Dieu. Glorifions son saint nom. Te louons, éternel notre Dieu, et nous t'élèvons, toi le Dieu qui élève et qui abaisse qui tu veux. Nous te glorifions, notre Père, notre Seigneur, toi qui es la solution à tous nos problèmes. Oui, tu es celui qui peut tout. Sois béni, notre Seigneur, notre Dieu, toi notre force. Oui, c'est toi qui nous conduis de victoire en victoire pour ta seule gloire. Nous t'élèvons en ce moment, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te célébrons. Toi notre Dieu, toi le Dieu digne de louange, le Dieu digne d'être élevé, le Dieu digne d'être glorifié, le Dieu digne d'être magnifié. Oh, sois béni, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu souverainement élevé, le Dieu qui règne au-dessus de toute autorité, de toute principauté. En ton nom, notre Père, notre Seigneur, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu, et nous t'élèvons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Vous voyez, O, opération, S, sur, B, brèche. Rester sous la brèche, c'est se tenir le matin dans la présence de Dieu pour prier, pour intercéder. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Si cette émission t'a édifié, parlez-en à quelqu'un parce que partout dans le monde, vous pouvez prier avec nous par le web. Voici notre site web, www.radiofréquencevie.com. Je reprends, www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Juges chapitre 11, versets 1 à 11. Nous venons de voir comment Dieu peut élever qui il veut. Il peut élever même les gens les plus méprisés. Il peut élever l'enfant d'une femme prostituée comme Jephté. Il peut élever même un délinquant. Il peut élever même celui qu'on a délaissé, un enfant qu'on a jeté dans la rue. Il peut élever. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui se sentent désespérés. Nous allons prier ce matin pour les enfants de la rue, pour tous ceux qui se sentent méprisés parce qu'ils ne connaissent pas leur père. Peut-être que leur mère les ont rejetés. Nous allons prier pour eux afin qu'ils trouvent encore l'espérance dans le Seigneur, afin qu'ils puissent croire encore que Dieu est capable de les élever. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérer. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Éternel Dieu, il est bon de te louer. Éternel Dieu, il est bon de célébrer ton nom. Célébrer ton nom parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Célébrer ton nom parce que toute chose a été faite par son Fils Jésus-Christ et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons ton intervention dans la vie de tous ceux qui sont rejetés dans la société. Nous demandons ton intervention dans la vie, ô Père éternel, de tous ceux qui sont méprisés. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdu. C'est pourquoi nous prions au Père éternel et nous demandons que tu renouvelles les forces de ceux qui sont abattus, que tu donnes une nouvelle espérance à ceux qui sont désespérés et que tu sois le Père des enfants rejetés, des enfants de la rue, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous demandons ton intervention par ta droite puissante pour relever ceux qui ont la tête baissée, pour retirer ceux qui sont dans le fumier et les élever et les mettre comme un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Si tu l'as fait dans le passé, si tu l'as fait pour Jephté, si tu l'as fait pour ceux qui étaient rejetés et qui sont dans la joie aujourd'hui, tu le feras toujours. Nous te remercions, Père éternel, parce que nous avons mis notre foi et notre confiance en toi. Et nous savons que lorsque tu t'engages pour faire une œuvre, tu l'as fait certainement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que les gens qui nous rejettent, lorsque le temps de Dieu sonne, ces mêmes personnes peuvent venir nous chercher pour que nous puissions régner sur eux. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Tu vas prier. Peut-être que tu as été rejeté au niveau de ton église, de ta communauté. Et pourtant, le Seigneur t'a positionné. Il t'a dit que tu as un rôle important à jouer. Peut-être que tu as été rejeté même par les membres de ta famille et tu te sens mal aimé. Tu as été rejeté au niveau de ton entreprise. Mais le temps de ton élévation, de ton positionnement est arrivé. Tu vas prier le Seigneur afin qu'il puisse t'élever comme il te l'a promis au nom de Jésus-Christ. Et qu'il oblige tes ennemis eux-mêmes à venir reconnaître ce que Dieu a placé en toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, magnifié ce matin pour ta parole, pour la vie que tu nous donnes, la grâce que tu essaies de manifester dans nos vies, ta miséricorde. Louange à toi pour ta parole et ta parole, dans cette parole tu nous enseignes, oui, ceux qui ont été rejetés, humiliés, chassés, notre Dieu, notre Père, tu vas les élever, tu vas leur permettre de regagner leur position et tu vas encore les élever parce que c'est toi qui fais naître et qui fais mourir. C'est toi qui blesse et qui guérit. C'est toi qui élève et qui abaisse. C'est toi qui fais naître et qui fais mourir. C'est toi, notre Dieu, qui enrichit et qui appauvrit. Personne ne peut annuler tes décrets sur la vie de tes enfants. Gloire te soit rendue à jamais. Le diable pense nous chasser, nous humilier. Mais toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot sur nos vies, sur nos projets, sur ce que tu nous as confié comme ministère, comme don, comme talent à accomplir. C'est pourquoi David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Et c'est pour cela qu'ils me considèrent comme des ennemis, qu'ils me chassent. Mais j'ai foi en toi, que c'est toi qui élèves. Sois béni pour la joie. Sois béni pour ce que tu vas faire dans nos vies. au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons compter sur Dieu, car c'est avec Dieu que nous pouvons faire des exploits. Jephté n'a pas compté sur ses propres capacités, mais il a compté sur l'Éternel en disant, « Si vous me ramenez pour combattre les filles d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous va prier pour dire Seigneur, mais non pas à moi, mais en ton nom donne gloire. Tu vas prier pour lui. Peut-être qu'on vient de te confier un peu de responsabilité au niveau de l'église, au niveau de ta communauté, au niveau de ton entreprise, au niveau même de ton bataillon comme commandant, au niveau même de ta famille. Tu vas prier pour dire Seigneur, je vais compter sur toi, oh Dieu, comme Jephté a compté sur toi, au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel te lèvera, et l'Éternel te donnera les capacités pour relever les grands défis. Au nom de Jésus, prie le Seigneur au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es réel, c'est toi le créateur, c'est toi le vivant, puissant maître des cieux et de la terre. Effectivement, ta parole dit non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. C'est toi qui bénis, c'est toi qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est toi qui ferme et personne ne peut ouvrir. Merci, comme Jephté, papa. Je reconnais qu'en ce moment précis, cette année et même ce mois, en ce jour, tu as élevé des hommes en dignité. Tu as pris des hommes et des femmes de la boue, négligés, abandonnés. Tu les as fait asseoir sur la table des grands. Merci, papa, pour ton œuvre. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci parce que, oui, Seigneur, toute personne qui s'oppose à l'élévation de mon frère est effacée, est écroulée, est confrontée à l'œuvre de la croix. Et toutes ces œuvres sont vaincues. Merci, Père, parce qu'en cette journée, c'est le jour de nomination de quelqu'un. En cette journée, c'est le jour de l'élévation de quelqu'un. En cette journée, quelqu'un est promu chef. En cette journée, quelqu'un reçoit une lettre, oui, de changement de position. Quelqu'un reçoit une lettre de grâce, de faveur, de voyage, une lettre de bénédiction. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous établis chef, tu nous donnes les qualités de chef, tu nous donnes l'onction de chef, tu nous donnes le pouvoir de chef, tu nous donnes tout ce qu'il faut à faire, Seigneur notre Dieu, à notre nouvelle charge en tant que chef. Nous te remercions, toi qui es la source de toutes ces bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que demain dimanche, nous aurons rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Nous allons poursuivre notre enseignement. Comment triompher par la foi? Viens mon frère pour comprendre comment la foi qui est basée sur les logos et sur les rhémas va t'aider à vaincre tous les obstacles qui t'empêchent d'entrer dans ton mariage. L'entrée est libre. Ce sera demain à partir de 17h au CPE dans la même cour que la radio Fréquence Vie. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force.